nur de silo hin er bezonnek. C'est l'heure de retrouver hin er bezonnek. Vous êtes bien sur RKB pour Hentar Brezonek. Comme d'habitude, on commence par Gerio Arvué, l'émission 420, Père en Nuggen. Quel mot on voit aujourd'hui, Henri? Alors aujourd'hui, c'est un verbe qu'on entend dans certaines régions de la Bretagne, qu'on n'entend pas partout, et qui est prézec. Alors qu'est-ce que ça veut dire prézec? Prézec, c'est l'un des verbes qui en breton veut dire parler, causer, converser. Voilà. Alors ici, dans le centre de Bretagne, on l'entend pas beaucoup. Hein, ici, on dira comms, hein, ou conto, ou causéal aussi, par endroit. Mais il y a des régions de Bretagne où on entend prézec. Et comme le breton d'aujourd'hui circule, c'est un mot qui peut se répandre dans toute la Bretagne. Alors c'est un verbe assez curieux, quoi, puisque ça vient du latin prédicare, donc qui veut dire parler, mais parler pour convaincre. Hein. Donc ce qui a donné prêcher en français. Voilà, c'est ce que j'allais dire, ça ressemble quand même. Ça ressemble à prêcher, oui. Et d'ailleurs en gallo, c'est prêcher. Hein. Prêcher, on retrouve la même racine que. Bon, c'est l'évolution normale du cas dur, hein, qui donne un che en français. Donc et en gallo c'est pareil. Donc on a prêcher, parler en gallo, et un prêchou par exemple, c'est quelqu'un qui parle bien, un beau parleur, voilà. Et il y a aussi un prêchoir en gallo qui veut dire non pas un prêchoir, mais une chaire à, j'allais dire une chaire à sermon, mais une chaire à prêcher, quoi, dans une église, hein. Voilà. En breton, on dit un garde en sermon, hein. Une chaise à sermon, quoi. C'est de là que descend la bonne parole. Mm-hmm. Voilà, c'est plus utilisé maintenant depuis le dernier concile, mais autrefois, je me souviens, on voyait le prêtre monter en chaire, quoi. Voilà. Alors en breton, donc, prézec veut donc dire parler, et le participe passé, c'est prézégada. Voilà. Alors. Par exemple, prise de grande braison. Hein. Alors, il y a des différences dans la prononciation de ce verbe, hein, selon les endroits, quoi. Mais bon, ça s'écrit prise. Hein. Alors, il y a un certain nombre de dérivés de ce verbe-là qui sont peut-être plus répandus que le verbe. Par exemple, prisegen. Hein. Prisegen, tout le monde maintenant sait ce que un c'est. Un discours, hein. C'est ça. Oui, c'est ça. Hein. Un discours, une conférence, une causerie. Voilà, c'est quelque chose qui est prononcé. Une conférence, par exemple, hein, voilà. Alors c'est un mot féminin, donc on aura une mutation après l'article Erbrezegen. Voilà. Donc c'est un mot qui est très très employé. Alors Prezeger, c'est quelqu'un donc qui va faire un discours ou un. Alors il y a plusieurs sens possibles. Hein. Un conférencier, Prezeger là, c'est un mot masculin. Ça peut être aussi un orateur, voilà, ou même quelqu'un qui prêche au sens religieux du terme, quoi. Voilà. Alors, il y a d'autres dérivés qui sont plus ou moins des néologismes, comme drug prezegin, ça veut dire dénigrer, quoi, calomnier en fait. Hein. Et celui qui le fait, c'est le drug prezega, calomniateur. Alors il y a un mot encore, mais après ça devient un peu long, quoi. Hein. Drug perezegeres, qui est la calomnie, quoi. Mais moi, je pense qu'il vaut mieux tourner la phrase autrement, parce que j'aime pas les noms qui sont trop longs comme ça. Voilà. L'ardrug, on peut dire l'ardrug aussi, dire du mal, quoi. Hein, voilà. Alors, il y a aussi un adjectif qui est prézégus, qui veut dire oratoire, c'est-à-dire quelque chose d'un peu solennel, quoi, voilà. Voilà, et ben prézegmum de the calzedrow, prézegmum, voilà. Je vais arrêter là ma brézégen, mon discours. On passe à la deuxième partie d'émission, Brezonek temps m'attend. Thank you. Et on part à Zantol que, bah, pour aller. Chandic va rencontrer Job. Job voilà. Qui est très actif quand même sur la commune. Oui, voilà, on va retrouver Job Nedelug, hein, qui était l'ancien instituteur, qui est en retraite, mais qui donne toujours un coup de main aux enfants de Zantol quand ils préparent le camp Norbob. Voilà. Salut Job, marge. Matré. Clévez de meuse d'un blanc mon roise dans le bugalé Zantolug d'un camp Norbob. Ya, guiré, bédon de gante NDL de blou derrière. Et non, ou à quand Norbob le blanc. Mais Ruizou va relever vraiment? Ya, mais mon de rang Norvégeurzun, de la cadeur Vugal et de Gande. Ah, Petras ou Betkan net Gante Arblamant. Ah, une dispute très botte ou arlère, que botte ou arquat. Or Gande ou une bescrive de Gagnon Norgwen. L'eau de Gande est comme joue la botte ou arlère, l'eau d'elle comme joue la botte ou arquat. A plus jeuneuse d'un dute. Ah, mon heurie d'abondi? Non, pas Arblamant. Menek Street, Kalse Drouel, Chom de Beroise. Bon, il est bon joueur quand même, quoi. Ah, oh, ouais, ils sont, ouais. Bon, pas sélectionné. Ouais. Bon, on va reprendre phrase à phrase, ouais. Pour ceux qui voudraient comprendre un peu mieux, pour qui c'est allé trop vite. Salut Job, ma de jeu. Bon, formule de politesse. Ouais, hein. Ma de jeu, ça ma va. Matré, ouais. Matré. Très bien, très bien. Clévé de Meuse, Orbed, Arblamant, Roas, Gandbugal, et Zantolek, Daran, Arbob. Ouais, alors Clévé de Meuse, j'ai entendu, Orbed, Arblamant, Roas, que vous êtes allé cette année encore. Avec les enfants, quand Bugal les entoulent, de Hanorbob, au camp Norbob. Voilà. Ya, Guiré, Bédon de Ganté, Andéal, da Plouderien. Ya. Oui, c'est vrai, je suis allé avec eux l'autre jour à Plouderien. Alors, quand on dit de Plouderien, hein, c'est à Plouderien, parce qu'il y a une mutation, hein. Voilà. C'est Plouderien. Et non, il y a camp Norbob, Blamant. Et non, il y a camp Norbob, Blamant. C'est là qu'il y avait le camp Norbob cette année. Oui, parce qu'il y a eu à Melcarré, à Cavan et à Plouderien. Bah voilà. Bah oui, voilà. Trois rencontres. Bah, y a tellement de chanteurs par chez nous. Voilà. Mais Ruizou, Waro Lévé, vraiment. Mais. Le monde Chandic. Oui, mais vous êtes en retraite maintenant. Waro Lévé, hein. Sur votre. Sur vos rentes, en fait, hein. Waro Lévé, hein. Sur le vos rêve. Rentes. Hein, voilà. Il y a, mais mon rente vais-je en amzer de school, vide la cadre, vugal et d'agornan. Oui, mais je vais de temps en temps, vais-je en amzer, hein, de school, et vide la cadre, vugal et d'agornan. Et pour mettre, alors, littéralement, c'est pour mettre les enfants à chanter, pour faire chanter les enfants, vide la cadre, vugal et d'agornan, hein. À Petras au Betkan, net ganté, arblamant, demande Chandic. Voilà, alors là, c'est une forme passive, hein. Petras au Betkan, net ganté. Qu'est-ce qui a été chanté par eux? Herblamant, cette année. Un dispute très herboutouer, l'air, agarboutouer, quoi? Oui, alors, une dispute, c'est un débat, hein, c'était très courant dans les anciennes chansons, hein, une dispute, hein. Une dispute très herboutouer, l'air, agarboutouer, quoi? Donc, le débat entre le cordonnier, boutouer, l'air, hein, et le sabotier, boutouer, quoi? Urganawet met scrivet gan Yann Orgwen. Voilà, Urganawet met scrivet gan Yann Orgwen, une chanson qui avait été écrite par Yann Orgwen, hein, qui était un compositeur très gros, bien connu. L'eau de gan est comme joue Arbotowar l'air, voilà. L'eau d'al comme joue Arbotowar krat. Quoi. Alors, l'eau de gan est, alors, certains d'entre eux, hein, l'eau, c'est-à-dire en fait la moitié, hein, des enfants, l'eau de gan est comme joue Arbotowar l'air, la moitié chantait donc les paroles, hein, comme joue Arbotowar l'air du cordonnier. L'Odel, comme joue Arbotowar quat, hein, les autres, donc les paroles du sabotier. A plus jeuneuse d'un dut. Et ça a plu aux gens. Plus jeuneuse d'un dut, ça a plu aux gens. Alors Chandic demande à Monnerie d'abondi. Oui, et vous irez à Pontivy parce que les sélectionnés vont à Pontivy. Ah non, ne réponds jamais. Pas Arblamant. Voilà. Nekistrik. Quinze Drawel au Chaume d'Or, was. Voilà. Non, pas Orblamant, pas cette année, il peut pas aller tous les ans non plus. Hein. Mais, n'est strict, hein, formule très connue, on disait par, tout à l'heure en français régional, mais n'est strict, tout le monde comprend. Hein. Quinze Drawel au Chaume d'Or, was, il y a encore beaucoup de choses à faire. Ouais. Il n'est pas amer non plus. Ah non, c'est non. Ça qui est bien. Non, non. Le principe, c'est de faire chanter les enfants. Voilà. Bon. La cadeur Vugal et de Grand. Hein. Bon, on passe à la troisième partie, Petras, on est vers Vaux. Thank you. Troisième partie d'émission, Petra Zone Vervro Eri. Petra Zone Vervro, cas de draw et velgius boervé, je dis vous en. Krogum ne dient on et vel custum, gandelor bourdouar, a gandor vu et war armés. Erion brément de vad ben eve amza. Krogé, un œil de glace colère et vide boronés, blenuzo war armés, or pebler, hag deux et des un amza gloire. Hat krog y en dut de vad de la bourrette, war la bourdouar, plus dur et point, jongen la cadenne trévade ou deux ans. Wigel vigelaret de Wilmar, de vigelaret, de Wilmark, na diouzan ba park, hag goudere de Wilmark zo bemwarnug un deus misébrel. Bremant ne ke guir tre, pe yur bremant zo maïs hag maïs a liz velak de waler Wilmark. Met de gojel oa guir ze. O maïs vek lak kaz waler Wilmark mam bestrop pe ve roant de gade maïs mad, met maïs ne ke dur plante un deus orvro, de des Amérique de l'air bénéfine les tomor en évéams assis au cause alise maïs livais mur d'homme d'or un vidiwan un bon western grand ben évéams rebrise en main bon wardash de nendro ne la rinque calzedra hervéjme gay ondra de l'art ba gwengam ne prene de un petit poste de sprene de pidereto auto hag yag an tredan, pe elektricite ma peswa. Hag a rins o toio didrouz a digoust vid an energiez. A zezo an dravad vid an endro hag vid an tipost evel just. Bont komzant bremañ an tamm deus an ekonomiez. Ur mareman e sterd an trao vid an artizan an deus o labour a doar an tir e breiz. Pudur warlan ez o bet pel meut ar tir a zo bezavet vid blaio tremenet. C'est tu et dies un trou à calze stadio au souhait de val. Roir l'asso, oua perrugen mille dé, non la bourrate et vide zéveltir brise, a vraiment ne ce que met douze gâtri hugen, mille, zéra eis mille neptor me mestra. A gansé, n'a que quoi le voir d'un trou, vide en bâtiment chaud. Voir, voir d'achener politiquer, est-ce vraiment? Bon, tremenade mar et en vota dégou vide parousio. Bon, à cause drous au bête grandi et vel juste. Blas ou ébé de mire de mer cause, hein, plutôt velvelard de mer cause et n'est que de mer à zo cause, mais mer ou à rog. Hag, bon, blas ou ébé mire de vel bazan igoudin, puis bazan service, puis bah qui en gris soit pas en connant bah trabrien elle elle est bé de zoomé dibab de Omer Navy bonne vige au barmon de wak de warrank hein et vel bah locarn puis bah purud hein à galère elle blamer et bé d'orne de mercos vel bas en nicolas puis bah calac bah justement hors vue évident dilenidi hein n'est que n'est vichon d'herbard ou aragador hein. A vraiment, chom roer la vraiment d'or skipay ou neve et vide la bourrade à discoui et n'y en parloir vichon. Ka evel juste peve en dudo cambal, y veigne obor un estand med oaler vige ou vester d'un trou. A ge zuroir avo dieste vigement ka un eran vo ronde de zizgreski de ce sclève de stadre et neptor eran. Wardro wer dragon neptor hag un dispigno sur war grescoas c'est une bonne ma treize de vos dies de certaines ri ober toute pesne une belle art a bonne ou aller so div vota de goas de zone ben voir nu que de visme vide casse tude de gambe député et de bro europa bonne prestige vos clèves comme de ces marettes. Bon, vijo, gontandard de ze hind kreis breis, bet broadel, kamper a triugen, galag e RN 164. Hag, nens, bon, zo, ya de ze kastelin bet ag Montauban breis, n'est que Montauban, bah, sur, Beauvrance, Hag bon, ve je n'amzor ve Igor d'oar un ton braz on tant bien, mais Gustad il a un trog, me mestra, tant ma tant. Bon, pe vo echu un ens, les dents d'année, vo quand d'eau à tri ugen kilomètre, que j'ai le vige bellard, d'eau ugen lé, un peu soin, est en fait vite. Bon, dis-moi qu'on. Bon, dans bon temps, moi, d'achène, zévena, dur, vraiment. Tramène des, honor bobl, vide, vro, en me, ou à bamel carrez, un DL, on dé, ou à bras, un homme, sais-tu. Ma treizaine et barbe, on doit bras, un homme, ou à neptor, du, de blanc, aux eux devaient, un aime vaut, zeug, en RKB, à quel, quel tille, que, restreint. Aga arzis au bégouel, devait juste qu'en aérien, compte aérien, zone aérien, scoliou, hein, scoliou de Zrostren, de Zevro. Aga, tu d'en pardes, hein, aga, bonne case obligea dur zobet. Aga, au neub de Zrizobet d'Iba, ba melcarez, yeille de bon, d'Iba fine misé, voilà. Bonne. Clevemus, vos temps m'occuper, nous, blanc me grande, vide Gwelplin ben tant doute puis dur son air y en a wardro ne se divise de j'ai bégré de Honcourt vide cas son air y en de Gourin j'ai bégré de la rue en plan me miséven ag ne vaut que gré de ben tant doute mais j'en jarre me mestra vos moyennes d'or festival brau ben tant doute ca zézo et bouis un festival en tant doute festival en Vauplin hein. Zo a bouez e vid ur vro an me. Bon. Klevet ve komz, enfin, klevet sou be komz, hein, vid ur an mar e kamba, li blam, deze brezon de gont tamm. Ne peut war, me on tamm me mestra. Ro vijek kont de se tamm me bed, hein. Vijek kont deze nechou, deze zavadurio, me deze zevena dur ur vro, ne vijek komz de tamm bed. Ak blam bon dre raz strolad ouve laïta, a zo bet goulet gant re war reng peto en jonj dober evit o brezondak. A de skwe da skwer ba rostren a, en diou listen en zlar de refeñ o seiz pos evit o brezondak, hag ma hen bars, quoi. Hag bon, or o seiz pos evit o brezondak ba rostren, hag tro war dro gant dre ar CCKB. Bon, quoi, elle est de vos, puis ça monte vos comptes, mais bon, guiré, et moi, déjà, zobé de comms de C, un blanc, ben, quoi. De ce que quoi, le belzo, puis j'en peux un comms de Zorbraison, de gazé, ma treizaine peut se quoi, elle est de, brudé, reste vide un normand, grec dans leur stall légal, ou à une télé, un brudé, que Zorbraison, de gambuscov, de crène bad, hein. Plus juste, avec, Zézo en dravard, hein, au bord brûlé, reste raison de voir, faire tri. Ag, zéchange en temps de zézo ton, il y avait, disqueuse et dit, balise, brûlé, reste. Bon, qu'alise, avec mes otons, il y a trop excuses. Bon, en avènement des bavros, on dé, la zo, en avènement des bavros et Fanchkeren, a fait un Fanchkeren, zo, on dé, ou à quel énerve, hein, bon, war brezon ne gar prédérourius, des noms par war brezon ne gar par tri, ag ivi war prédérourius, ag ne se prédérourius, puis la philosophie m'a peu soin. Bon, ag fange keran ne se tram de di, ivi et là pour bascolajou, hein, bascoliou, ag im bon ne se d'oulever ne se gual belzo war prédérourius, au nom de zo prédérourius pe philosophia ag naiel et ke aldoué ou aller à Auschwitz ag bon musculaine néroise mais jonjon d'or hein, evel juste ag bon l'arrerand salut franche kéren m'avait fait bête au chilo hanon a dit vrai colette tiè modèle bon sais-tu on tombe de spéso né à Bavro ag point de din l'artar kenavo Chiloé en RKB, un merci brasse de Hans ou Gandhi, non, mais si court d'or en abaden. Allez, t'es norvégienne. T'es norvégienne, Léry.